Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Ah, une chronique que j'aime beaucoup avec M. Jacques Lanciot, qui est arrivé de vacances, de jacqueslanciot.com. Bonjour, M. Lanciot. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Jacques, si on parlait d'abord du côté, je veux te parler d'une entrevue que j'ai faite il y a quelques semaines avec Abraham Taureau. On parlait des salaires et je l'ai parlé également avec Mark Griffin, mais je sentais que j'arrivais sur un terrain glissant quand je lui parlais, mais 1 200 $ par mois, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Dans le fond, les joueurs doivent vivre avec leur bonus de signature. Ben oui. C'est ça qui les aide à arriver. Mais j'en ai déjà parlé longtemps avec Emmanuel Garcia puis Jonathan Marleau. Puis c'est très très difficile de jouer dans les ligues mineures avec les salaires qu'ils donnent actuellement. Il y a une loi actuellement qui est en voie d'adoption aux États-Unis pour augmenter le salaire minimum, puis ça toucherait les joueurs des ligues mineures. Mais je sais pas, les lobbies des ligues majeures vont peut-être s'opposer à ça parce que ça leur coûterait effectivement pas mal cher. Mais il y a tellement d'argent en haut, je peux pas croire, moi, que... Hein? C'est assez étonnant, hein, parce qu'en haut, on donne des millions et des millions, puis qu'en bas, ben, c'est quasiment le salaire minimum. Ouais, effectivement. Quand on compte toutes les heures de travail, puis d'entraînement, puis de voyagement que ces gars-là ont à vivre, c'est en bas du salaire minimum, bien des fois, là. Ouais, c'est clair. Jacques, on va faire le tour des Québécois qui sont actuellement dans les ligues mineures du baseball affiliées, qu'on appelle. Évidemment, là, on est au mois de juin. Normal, je pense que le offre commence demain. Là, ce soir. Comme exemple, les Canadiens de Vancouver pour les livres, c'est ce soir. Oui, c'est ça. Puis même Benjamin Pelletier, qui est dans l'organisation des Phillies de Philadelphie, commence ce soir dans la Ligue New York Penn. OK. Donc ça, il y a avec Vlad, évidemment. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vlad qui est blessé au genou présentement. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus. C'est dommage parce qu'il était parti pour une saison phénoménale. Même j'ai regardé ce matin, il est encore en tête dans la Ligue Eastern de 2A pour la moyenne au bâton à 407, puis pour les points produits avec 55. Puis ça fait déjà une semaine, un petit peu plus qu'une semaine qu'il joue pas. Donc il y avait déjà une pas mal avance. J'espère qu'il va revenir, mais quand il va revenir, évidemment, il va avoir une période de mise en train. On parle du 3A, mais qu'il revient. Ouais, ben j'espère parce que. Ben là, c'est rendu ridicule. C'était ridicule, mais tu sais pourquoi, genre, qu'il n'avance pas, hein? C'est une question d'autonomie. C'est juste ça, c'est certain. C'est une question d'autonomie. Puis c'est incroyable comment les Blue Jays. Écoute, c'était une des équipes qui avait le plus gros. Un des plus gros marchés du baseball majeur il y a 2-3 ans. Puis si on n'aide pas, on fait du surplace. Ils sont là pour gérer un budget et non gérer un club de baseball, malheureusement. Ben, c'est ça. Un petit peu depuis que... Mark Shapiro. Depuis qu'Antonopoulos est parti, c'est plus la même chose. Ah, non. Même Russell Martin, c'est dommage, là, c'est un Québécois, mais il frappe pour une moyenne de 171. Là. C'est chanceux qu'il joue encore à tous les jours, ou presque. Là. Ouais. Il a 16 points produits depuis le début de la saison. Un gars comme Danny Jensen, qui est dans le 3A, qui est un excellent receveur d'avenir. Ça, moi, Russell, je pense que c'est une question de temps avant qu'il perde son poste de receveur. Moi, je pense qu'effectivement, là, c'est une question de temps. Je pense qu'il est à sa dernière saison de son contrat. Je ne sais pas s'il va y avoir quelqu'un qui va lancer une perche pour la saison prochaine. Peut-être comme receveur auxiliaire avec les Dodgers, parce qu'il vient de là. Il est excellent pour diriger les lanceurs. Oui, il est excellent pour diriger le lanceur, il est excellent sur le banc, c'est un coéquipier idéal, mais actuellement, il produit pas. Puis c'est pas parce qu'il travaille pas, là, parce non, son bâton ralentit beaucoup. Philippe Aumont, comment ça va, lui? Ça va assez bien. Il y a eu une baisse de régime importante, là, à la fin du, au milieu du mois de mai, où il y a eu 6 sorties de suite où il a donné des points. Sa moyenne de points mérités a grimpé. Mais là, depuis ses 2 dernières sorties, il a retiré tous les frappeurs. Hier soir, il a lancé une manche. Il a retiré 3 frappeurs sur des prises. ses trois retraits étaient sur des prises, mais il a donné un but sur balle puis un double. Donc, il s'est ramassé toujours dans une situation difficile. Il s'en est sorti avec des retraits sur des prises, mais il connaît pas de mauvaise saison. Il est déjà rendu à 21 sorties. Ouais. Il a lancé 28 manches. Il a 30 retraits au bâton. Ça va bien, mais je suis pas sûr que ça lui vaudra un rappel en septembre. Non, parce qu'il y en a beaucoup. Philippe Aumont, il y en a beaucoup dans le baseball mineur. Là. Malheureusement. Il n'est pas utilisé comme lanceur de relève de fin, comme closer. Non. Donc, il y a moins de lumières qui sont sur lui. Il est utilisé généralement, il l'emmène en quatrième ou cinquième manche pour une manche ou deux. Et donc, il faut dire que c'est un retour au baseball mineur professionnel pour lui. Là. L'année passée, il était avec les champions. Fait que peut-être que cette année, il place ses choses, puis que l'année prochaine, il aura une chance au camp d'entraînement des Tigers. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite parce qu'il travaille bien. Son nombre de buts sur balle accordés a diminué là, drastiquement cette saison. Ça a toujours été le problème de Philippe Aumont, les buts sur balle. C'est ça. Mais pas cette année. Cette année, effectivement, il en donne pas gros. Ouais. On va y aller avec nos deux Québécois qui fonctionnent très, très bien, Charles Leblanc et Abraham Taureau. Dans la Ligue des Carolines, c'est une ligue de classe A avancée. Ouais. Ils sont dominants, les deux sont dominants. Les deux, d'ailleurs, ont été sélectionnés pour le match des étoiles de la Ligue Eastern, de la Ligue des Carolines, je m'excuse. Et ils vont être coéquipiers. Ça va être une première. Leblanc, il frappe pour 300 actuellement. Hier soir, il a frappé son 10e coup de circuit de la saison. L'an passé, quand il s'est présenté au camp d'entraînement des Rangers du Texas, les Rangers lui ont dit « Avec le gabarit que tu as, tu dois devenir un frappeur de puissance. » En deux saisons dans les mineurs, il y avait 6 circuits. Cette année, il y en a déjà 10. Donc, je pense que Charles il a fait le changement que les Rangers attendaient de sa part. Il n'y a pas seulement 10 circuits, il y a 17 doubles puis il y a 2 triples. Donc, c'est un joueur qui produit beaucoup. Il a 45 points produits. C'est un des meilleurs. C'est le meilleur de l'équipe à ce chapitre-là. OK. Puis c'est un gars qui a un physique quand même. Quoi? 6-1, 6-2, je pense? Ouais, il a 6-2. Actuellement, ils font jouer au troisième but, mais je pense qu'avant longtemps, il va être un voltigeur. Mais pour le moment, il est au troisième but. Et Charles, c'est un gars qui se donne à 100%, donc de temps en temps, il essaye des balles qu'il ne devrait pas essayer, puis ça il fait des erreurs. Mais c'est un gros joueur. Taureau frappe pour une moyenne beaucoup moindre que Leblanc, 258 seulement par rapport au français, mais il y a autant de points produits, il y a 44 points produits. Je sais pas, ça fait combien de textes que j'écris depuis le début de la saison où Taureau soit produit le point gagnant, soit compte le point gagnant. C'est vraiment un joueur opportuniste. Ouais. C'est vraiment un des bons joueurs. Sa moyenne en position, avec des coureurs en position de marquer, c'est souvent ça qu'il faut regarder avec un frappeur. Hein? Ben, c'est ça. Puis Taureau, il est excellent à ce point de vue-là. Mm. Défensivement, cette année, ils ont laissé tomber l'idée de le convertir en receveur. Ouais. Il joue au troisième but. Il est fiable à 100%. Il n'y a presque pas d'erreur depuis le début de la saison. Là. Il est très, très, très bon. Je pense bien que ces deux joueurs-là devraient, en tout cas, j'espère, finir la saison au niveau 2A. Ouais. Maintenant, on va y aller avec Raphaël Gladue. Ouais, Raphaël Gladue, quand on s'est parlé la dernière fois, avant que je parte en vacances, ça allait pas tellement fort. Il frappait entre 225 et 250. Mais là, il a connu une séquence de 23 matchs de suite avec des coussures et 28 matchs avec au moins une présence sur les buts. Ça s'est arrêté au début de la semaine. Il a monté sa moyenne. Ben, pendant cette période-là, là, de 23 matchs, il a frappé pour 365. Aujourd'hui, il frappe proche 300, il est à 293. Et il a déjà... Il est devenu le premier frappeur du rôle offensif de son équipe. Okay. Et il a déjà 10 buts volés, ce qui est excellent. Okay. Donc, Gladue, qui avait eu un début de saison plutôt difficile... Et là, je pense qu'on va peut-être le voir être promu avant longtemps dans le offer au niveau de l'organisation des Mets de New York. Donc, okay. Il se retrouve à Port-Saint-Lucie, en Floride. OK. Les autres, Benjamin Petit, ça commence ce soir? Oui, Benjamin Pelletier, ça commence ce soir. Jonathan Lacroix a commencé au milieu de mai. Il était au camp d'entraînement prolongé. L'an passé, il n'a pas joué. Il se remet d'une blessure. Il a eu un bon début de saison avec en mai quand ils l'ont promu au niveau A à moyen. Mais là, il a baissé. Il frappe à peu près pour 215. C'est pas suffisant pour pouvoir monter. Mais étant donné qu'il a été blessé toute la saison dernière, je pense que sa progression devrait aller en flèche. Benjamin Pelletier, qu'on vient de parler, qui commence ce soir, c'est pour lui, l'an passé, il a été le meilleur joueur offensif de l'organisation, de toutes les équipes de l'organisation des Phillies de Philadelphie. Donc, avec l'équipe des Crosscutters de Williamsport dans la Ligue New York Penn, il pourrait connaître une très bonne saison. J'espère, parce que c'est un gars qui est très jeune, il a 18 ans. Là. Ouais, c'est incroyable. Okay. Fait que, je pense qu'il y a déjà 3 ans de travail dans les ligues mineures. Fait qu'il y a déjà une bonne expérience. Mm. Je pense que ça va être intéressant de suivre ce gars-là qui commence ce soir. Autre chose, peut-être, là j'en perds, je ne les connais pas toutes. Ça fait pas mal le tour. La déception du repêchage. Pas de Québécois qui ont été repêchés. Ça s'explique un peu facilement. Il y a 3 joueurs qui sont vraiment identifiés joueurs professionnels, qui sont dans des universités américaines, qui eux autres n'étaient pas éligibles, n'étaient pas admissibles au repêchage de cette année. Qui n'arrête pas d'avoir des prix et des honneurs. Ouais. C'est un joueur de première année dans la NCAA. Il est sur les équipes d'étoiles. Il a frappé 17 coups de circuit. Il a battu le record de Frank Thomas, que Frank Thomas, qui est maintenant au temple de la renommée du baseball majeur, avait établi avec l'Université Auburn. Fait que c'est sûr, en n'étant pas admissible au repêchage, ben, il s'en a fait un de moins. Mathieu Deneau est dans la même situation. Il lance, c'est un lanceur qui a joué pour l'équipe nationale junior du Canada. Cette année, il était avec l'Université de la Caroline. Il en était à sa 2e saison. C'est un lanceur qui a atteint les 96 000 à l'heure au cours de l'été, au cours de l'hiver. Donc, lui, ces deux-là, dans 2 ans, ça va être repêché. Puis le dernier qui n'a pas été repêché, c'est Anthony Quirion. C'est un joueur qui était admissible au repêchage, mais qui s'est déjà engagé avec une université. Donc, les équipes ont probablement décidé de ne pas prendre de chance. Les 3 jouent actuellement aux États-Unis. Deneau Gauthier et Edouard Julien jouent dans la Ligue du Cape Cod. Une ligue qui regroupe les meilleurs joueurs collégiales des États-Unis. Donc, c'est du très, très haut calibre, puis il s'en tire très bien. Anthony Quirion frappe pour 381, lui, dans la Ligue de Nouvelle-Angleterre, qui est à peu près le même calibre que la Ligue du Cape Cod. Donc, c'est 3 joueurs qui, je pense bien, dans 2 ans, alors qu'ils vont être admissibles au repêchage, vont être repêchés. Et même, ce qui est décevant cette année, c'est qu'Archer Brockman, qui est un receveur, un ancien de l'équipe nationale, il n'a pas été repêché. Lui, moi, ça me fait bien de la peine, parce que je pensais bien qu'il était pour être repêché, mais il ne l'a pas été. Okay, on va voir l'an prochain, probablement ça va aller mieux. Mais Julien, dans le cas de Julien, avec Auburn, lui, en plus, il a bénéficié d'une belle vitrine, parce que Chris Miles, qui a été le premier choix d'Auburn, par les Tigers de Troyes, lui a joué. Donc, les dépistants, évidemment, allaient voir Miles, puis ils ont vu Julien. Oui, mais en plus de ça, c'est qu'il faut dire qu'à Auburn, c'est un programme universitaire exceptionnel. Là, tous leurs matchs sont à la TV sur ESPN. Donc, Julien, il a eu une belle vitrine parce que en battant le record d'un joueur qui est au temple de la renommée, là, ça lui a attiré beaucoup, beaucoup de visibilité. Puis il va en avoir encore beaucoup dans la Ligue de la Cape Cod parce que c'est une ligue où il y a des dépisteurs à tous les matchs. Là. Ça, c'est certain. Okay. Jacques Lancieux, un gros merci. On s'en reparle le mois prochain. Ça me fait plaisir. Merci. Bonjour. Jacques Lancieux.com qui nous fait un bilan de ce qui se passe actuellement avec nos Québécois.